Oye, mon pao, la force en porting. Le président au Bénin, celui qui pense à toi, t'aime mieux que celui qui t'aime quand il te voit. Kazam Nour Jawad Samira. Débarquement des ailes, la montée m'a embarré. La nuit la plus longue, et sa ligne à l'invasion d'un cerveau. Sur la plage au piégé, n'a pas mis mon petit personnel. Sur la vague d'assaut, au son nom y a un plaisir. Mamadouza, mon bali soldat sur entraîné. En plein guerre d'hégémonie, coalition et sentiment et mémoire. Résistance et acharnée, c'est une flotte de guerre. Théorie à relativité, Albert Einstein. Je ne manque pas, quand c'est pas les seuls témoins. Fais-moi plaisir, qu'on une langue et une idée là. Amadou. La va tendre et sa Mamadou a commis ta caméra au pays des merveilles. Tu me fais voler en éclats. Allez, crac, allez. Ce soir Mamadou. Ce soir Mamadou. Ce soir. Berlin, Rafitaï, Nanaba, tendresse. Mamadou est victime de guerre minée par des chagrins d'amour. Ta secousse guerrière. Secousse est que mes signes sinistrés. Toujours le code nucléaire. Pour basculer ma piscine à guerre froide. Et les lignes à crochère. Nixon, la Brajnev. Grand mot pas en alama. Police est à tous les chapeaux. Nanani. Bouclier anti-missile pendant la course aux armements. Mamadou segmenté la moitié main. Amorcé la bombe tout noyée. Ma explosion y a bolingo. Pas câble les arts à côté des bas plombs. Allumé, ouais. Trésor caché dans le loco, là où il y a l'Ibaba. You must protect me against to love when baby. Your love is the happiness of my life. My umbrella, my protector. My umbrella, when it's driving your life. My umbrella, my protector. My umbrella, when it's driving your life. Melissa Ibatala Kia Papa. Hello, Koteleki, couple Yale Layo. Avec toi, chérie, chaleur et sa fraîcheur. Avec toi, chérie, ta terre est à par terre. Remplis mon verre bébé avec vos lèvres. My umbrella, my protector. My umbrella, when it's twining away. My umbrella, my protector. Wendy Akito, François Bangila, Dali Mouchanga, Mamadou, Larissa Ndombaki, je veux tout te donner. Et prendre tout de toi, me remplir de ton amour, comme le feu de Pâques. Ramon Solo, Willy Mouché. Et toi le maître de l'œuvre, de mon plaisir intégral. Je suis le maître d'ouvrage, de ton bonheur 5 étoiles. Boy. Boy, Mike Moussi. Tout de toi me plaît. Ouais. Tout de toi je veux. Mama. Tout de toi m'admire. Ton sourire chasse les tourments cachés dans mon subconscient. Ton amour est l'oxygène que j'ai respiré. Ton sourire chasse les tourments de mes poumons. Ton amour est l'air que j'ai respiré. Ton corps ressemble à une paysage du rêve pour habiter le plaisir. Jofa. Ton corps ressemble à un paysage de rêve pour habiter le plaisir. Mamadou. Tout à toi le plaît. Tout à toi je veux. Tout à toi l'envie. Les désirs cachés en toi. Richard Okiki. Rachidi Koupa. Tout à toi le plaît. Prince Biki. Le boss Lucien Ibata, Ted Tendai. Zaina Mwana Mbwamba. Quoi que tu fasses, où que tu ailles, l'amour nous menace comme au champ de bataille. Mon cœur, mon petit bal, en plein cœur, ça nous fait mal. Oui, un classique, une campana.